Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, cinquième épisode de la série Quitter le pouvoir, Jacques Chirac ou le départ sur la pointe des pieds. Dans les dernières pages de ses mémoires, parues en 2011, l'ancien chef de l'État écrit « Une formule de bon sens recommande de savoir quitter le pouvoir avant qu'il ne vous quitte. J'ai mis du temps à m'habituer à l'idée, en fait, je ne crois pas m'y être réellement préparé. Tout est dit. Résident de la République, il n'aura vécu que sous les ordres. Député, secrétaire d'État, maire de Paris, ministre, premier ministre, et non président, à deux reprises. » Élu assez tranquillement une première fois devant Lionel Jospin après avoir éliminé Édouard Balladur, qui se voulait vizir à la place du vizir, puis bénéficiant de circonstances favorables, réélu avec 82% des voix devant Jean-Marie Le Pen, sa fin de mandat sera beaucoup moins triomphale. Quand il quitte l'Élysée, en effet, Jacques Chirac est déjà sur le banc de touche depuis plusieurs mois, comme absent aux autres, aux événements et, certains jours, à lui-même. Ainsi se terminaient deux mandats dont on ne retiendra que deux moments forts, son discours aux Maldives et son refus de participer aux côtés des Américains et de leurs alliés à l'invasion de l'Irak en mars 2003, mais aussi une série d'affaires longues comme le bras. Notre invitée aujourd'hui, Béatrice Guret, journaliste au Monde, auteure, autrice de Chirac, le secret du clan et le roi emmuré. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 16 mai 2007, fin d'une époque. Nicolas Sarkozy devient officiellement le sixième président de la République. Il n'est pas encore 11h quand il arrive rue du Faubourg Saint-Honoré sous les vivats de la foule. À l'Élysée, Jacques Chirac, le président sortant, l'attend au bout du tapis rouge, l'air un peu là. Il esquisse un sourire, presque un rictus, alors que le nouveau locataire de l'Élysée s'avance vers lui, fier comme un tabac. En 2019, il raconte à Laurent Delahousse ce qu'il a ressenti ce jour-là. Moi, quand j'arrive, je suis sur le tapis rouge, je le vois. Et c'est une impression très personnelle, mais je le vois triste, parce que c'est la fin. J'arrive, c'est le début pour moi, et pour lui c'est la fin. Et vous savez, dans la vie, la fin, c'est pas la partie la plus facile. Il y a les amis qu'on perd, il y a la maladie, et ça me touche. Et on rentre, et quand j'arrive en bas de l'escalier, on s'arrête tous les deux. Et je lui dis, tu te rends compte? Et c'est la première fois de ma vie que je le tutoie. Jamais vous ne l'aviez tutoyé? Jamais. Il me l'avait demandé 1000 fois. Et je lui dis, maintenant, tu vois, je suis devenu président comme toi, je peux te tutoyer. Complicité affichée, mimique de respect, main affectueusement posée sur le bras, la mise en scène est impeccable. Les acteurs également. Et pourtant, c'est probablement la passation de pouvoir la plus hypocrite de la Ve République. Nicolas Sarkozy a fait de la rupture avec les années Chirac son tremplin vers la présidence, alors qu'il y a pleinement participé. Mais ça fonctionne. Jacques Chirac, lui, aurait 1000 fois préféré remettre les clés de l'Élysée à Dominique de Villepin ou à Alain Juppé, surtout Juppé, plutôt qu'à son ancien ministre de l'Intérieur. Car au fil du temps, les relations entre les deux hommes sont devenues exécrables. Elles ont même tourné à la détestation. Mais enfin, protocole oblige, le nouveau président raccompagne son prédécesseur jusqu'à sa voiture. Une voiture immatriculée 19, en référence à la tante aimée corrèze de Jacques Chirac. Par la fenêtre ouverte, le nouveau retraité salue de la main ses anciens collaborateurs et les employés de l'Élysée. Certains pleurent. Et lui, Jacques Chirac, à quoi pense-t-il lorsque la voiture franchit le portail? Aux affaires qui vont immanquablement le rattraper, alors que son immunité présidentielle s'apprête à tomber un mois après? Pense-t-il également au temps qui s'étire devant lui et qu'il va falloir occuper? Il y a bien une place qu'il attend au Conseil constitutionnel et cette fondation qu'il a en tête pour servir la France autrement, comme il a dit lui-même. Mais le cœur n'y est plus, et il n'y est plus depuis des mois. De septembre 2005, Élysée. C'est encore l'été. Il fait beau à Paris. Les portes-fenêtres de la salle de réception, toutes de rouge et or, sont grandes ouvertes sur les jardins. L'agenda présidentiel est peu chargé ce jour-là. Un seul rendez-vous officiel y figure. Jacques Chirac doit recevoir les dignitaires de la principauté d'Andorre. Le monde tremble. Le président lui a l'air en forme, bronzé, souriant. Il serre des mains avec la chaleur qu'on lui connaît. Et à le regarder, impossible de deviner qu'il vit l'une des pires années de sa carrière, si ce n'est la pire, son anus horribilis. L'année 2005 commence en effet par l'un des pires chocs de sa vie. Le 14 février, le chef de l'État apprend la mort de son grand ami Rafik Hariri, l'ancien premier ministre libanais, victime d'un attentat à Beyrouth. Le lendemain, c'est l'affaire Guémard qui éclate. C'est le ministre de l'économie, il vient d'être épinglé par le canard enchaîné sur son patrimoine financier et son logement de fonction. Et 3 mois à peine après son arrivée à Bercy, il est contraint de démissionner. Or, Guémard, c'était le poulain du président, une figure montante de la Chiracie, récompensée par un grand ministère. Avec cette affaire, c'est le gouvernement tout entier qui est éclaboussé et affaibli. Premier secrétaire du Parti Socialiste à l'époque, François Hollande s'engouffre dans la brèche, sur le plateau de France 3. Moi je dis, là, que c'est au président de la République, pas au Premier ministre. Il a lui-même commis un manquement. C'est au président de la République de dire, s'il peut, avec ce gouvernement, avec un autre, continuer à servir l'État comme c'est aujourd'hui sa charge. C'est un problème de crédibilité, d'autorité, d'image, disais-je, du gouvernement. Et forcément, la question est posée au président de la République, comment faire avec un gouvernement qui est aussi faible, aussi fragile, aussi atteint? Et cette question-là, il ne pourra pas la contourner plus longtemps. C'est quelques mois plus tard que Jacques Chirac reçoit l'un des pires camouflets de sa carrière. Le 29 mai 2005, les Français sont appelés à s'exprimer par référendum sur la Constitution européenne. Le chef de l'État s'implique personnellement dans la campagne pour faire adopter le texte que beaucoup juge si technique qu'il en devient incompréhensible. Le 14 avril, pour son entrée en campagne, il accepte de participer à une émission débat d'un nouveau genre. Le format, appelé en direct de l'Élysée, se veut résolument moderne. Dans un palais transformé pour l'occasion en studio de télé, Jacques Chirac doit échanger avec plus de 80 jeunes. C'est Claude, sa fille et conseillère, qui a soufflé l'idée aux dirigeants de TF1. But de cette opération de com', dépoussiérer l'image du président et convaincre le plus grand nombre de voter oui. Mais le plaidoyer fait pchit. Les jeunes expriment surtout des craintes très concrètes et très personnelles sur leurs emplois. Jacques Chirac, lui, est complètement à côté. Mal préparé, surpris par les questions qui lui sont posées, il répète un peu machinalement des phrases écrites en gros caractères sur des fiches préparées par sa fille Claude et Frédéric Salabarou, le secrétaire général de l'Élysée. Une prestation qui provoque incompréhension et qui dégage un sérieux fumet d'impuissance. On a l'impression qu'aujourd'hui on a peur. Et c'est un sentiment, je ne vous le cache pas, que je comprends mal. Et notamment de la part des jeunes qui s'engagent dans la vie et qui devrait précisément ne pas avoir peur. C'est une question d'état d'esprit. Moi, j'ai confiance dans l'avenir et confiance dans la France. Nous avons un peuple qui peut avoir l'ambition d'être un conducteur et qui risque de se mettre à la remorque. Et je vais vous dire très franchement, je ne le comprends pas et ça me fait de la peine. Dans les jours qui suivent l'émission, l'Élysée essaie de positiver, soulignant la bonne audience de l'émission, vantant le courage du président à affronter des jeunes majoritairement partisans du non. Mais cette implication personnelle n'y fera rien. Le 29 mai 2005, le non à la Constitution européenne l'emporte avec 54,87% des voix. Ce jour-là, Jacques Chirac meurt politiquement, sans espoir de résurrection. Contrairement au traité qui, lui, va ressusciter contre la volonté des peuples qui avaient voté non, c'est le fameux traité de Lisbonne. Il reste maintenant pour Jacques Chirac 2 ans de mandat assuré. Putain, 2 ans. Ils seront sa croix, ces 2 ans. Car cet échec cuisant au référendum le discrédite en France et en Europe. Les journaux étrangers les trient. Le perdant de tous les perdants, titre le quotidien allemand Die Süddeutsche Zeitung. pour le journal belge Le Soir, il est désormais carbonisé. Quant au journal conservateur italien, Il Foglio, il estime, lui, que le président français n'est plus qu'un mort-vivant. Voilà pour les amabilités. Après ce revers, c'est toute la Chiracie qui semble se déliter. Première victime de cette débâcle, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui doit céder sa place. Mais par qui le remplacer ? Jacques Chirac envisage un temps Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs trépigne. Il a déjà fait partie de son gouvernement de 2002 à 2004. Mais depuis des années, entre les deux hommes, les relations sont complexes, conflictuelles. Chirac n'a jamais pardonné la trahison de l'ancien maire de Neuilly, lorsque celui-ci avait préféré apporter son soutien à Édouard Balladur au moment de la campagne présidentielle de 1995. Presque un parricide. Et puis, Nicolas Sarkozy ne fait pas mystère de ses ambitions. L'Élysée, il y pense en se rasant, et pas seulement. Hyperactif, il est ingérable. À tel point qu'un an auparavant, en 2004, Jacques Chirac a dû réaffirmer sèchement son autorité sur son très populaire ministre avec une formule passée à la postérité. Je décide, il exécute. Mais après la victoire du non, le président est privé de marge de manœuvre. Il doit accepter le retour de Nicolas Sarkozy. Mais il ne s'agirait tout de même pas de récompenser. Il ne sera donc que ministre de l'Intérieur. Parce que Matignon, ce sera pour Dominique de Villepin. Jacques Chirac installe ainsi à la tête du gouvernement un duo explosif que tout oppose et qui va se battre à mort pour sa succession. On ne met pas deux fauves dans une même cage. Jacques Chirac justifiera son choix en faveur de Villepin un an après, en juin 2006. Madame Chabot, au lendemain du référendum, il y a eu une sorte de traumatisme dû au rejet par la France et par la Hollande du projet d'institution nouvelle. J'ai estimé à l'époque qu'il était indispensable de rassembler les meilleures compétences au sein du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé, contrairement au principe que j'avais préalablement évoqué, au président de l'UMP de reprendre le ministère de l'Intérieur comme ministre d'État, parce que j'avais besoin de sa compétence et de son expérience dans ce domaine essentiel qui est celui de la sécurité. Et je le remercie d'avoir accepté et de ce qu'il a fait. Mais les Français sentent qu'il y a une espèce de rivalité qui s'exprime tous les jours entre les deux et qui participe un peu au malaise dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'avoue, il est tout à fait naturel qu'il y ait des chocs de personnalité. Non seulement c'est naturel, mais je dirais que c'est souhaitable. On ne peut pas être toujours dans un ronron. Ah, de fait, dans le ronron, on est loin d'y être. On est plutôt dans les coups de griffe, féroces. Entre Villepin et Sarkozy d'abord, dont les relations sont d'une incroyable brutalité, mais aussi de la part du maire de Neuilly, qui exploite l'affaiblissement de Jacques Chirac, comme lors des festivités du 14 juillet 2005. Ce jour-là, à l'heure exacte où le chef de l'État prend la parole, Nicolas Sarkozy s'éclipse pour tenir une contre-garden party, place Beauvau. « Vous préférez me voir ici plutôt que d'écouter le président », lance-t-il, cruel aux journalistes venus en masse. Retour sur la belle journée du 2 septembre 2005, sous les dorures de l'Élysée, pour la réception des dignitaires de la principauté d'Andorre. Rien ne transparaît sur le visage du chef de l'État des épreuves politiques et personnelles qu'il traverse. Non. Alors, il commence à lire son discours devant les représentants de la principauté. Monsieur le syndic général, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, accrédités en Andorre, cet étonnant petit pays incarne une des plus belles traditions de l'aventure humaine. Non seulement Andorre a maintenu sa capacité de développement. Jacques Chirac s'endort. Il paraît perdu. Chose rare. Il sort complètement de son texte, sans le chercher ses mots. Il parvient pourtant à faire illusion auprès de son auditoire. Même ses conseillers ne se rendent compte de rien. Il faut dire qu'au cours de sa longue carrière politique, il a appris à encaisser les coups les plus durs sans rien laisser paraître. tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, lui aussi est un sphinx, un homme secret. Il écourte la réception et se retire dans son bureau. Et là, il appelle Jacques Dorol, le médecin-chef de l'Élysée. Celui-ci juge que l'état du président, qui a des troubles de la vision, nécessite des examens. Direction donc l'hôpital, en l'occurrence l'hôpital de Val-de-Grâce, dans la plus grande discrétion. À l'Élysée, c'est l'inquiétude. Et les résultats des examens neurologiques viennent confirmer les craintes. Le président doit rester hospitalisé pour la nuit. Le culte du secret de Claude Chirac, sa fille, le conduit à cacher l'incident jusqu'au lendemain matin. C'est le Val-de-Grâce qui donne d'abord des nouvelles par un communiqué de presse avant que Dominique de Villepin ne prenne la parole. J'ai eu longuement, ce matin, le président de la République au téléphone. Comme vous le savez, il a eu hier soir un petit accident vasculaire ayant entraîné un léger trouble de la vue qui devrait se résorber au cours des prochains jours. Il restera à l'hôpital pendant une semaine. J'ai évoqué avec lui, évidemment, l'agenda des prochains jours et les grands dossiers en cours, et en particulier l'aide, la proposition d'aide, d'assistance à nos amis américains confrontés à ce terrible drame qui a frappé le sud du pays. Dès mon retour à Paris, en fin d'après-midi, je lui rendrai visite au Val-de-Grâce. Les mots sont choisis. Un petit accident vasculaire. Mais on évite soigneusement le mot cérébral. Et pourtant, c'est bien un AVC qu'a fait Jacques Chirac. Mais tout est fait pour minimiser, sauver les apparences, tout en donnant l'impression de la transparence. Sur le fond, médecins et collaborateurs demeurent flous. Le président restera 6 jours hospitalisé. 6 jours interminables pour cet animal politique qui tourne dans sa chambre comme un lion en cage. Pour sa sortie le 9 septembre 2005, tout a été pensé là encore, au millimètre. Il se sait scruté. Alors, lentement, il traverse la cour de l'hôpital, entouré de sa femme et de ses médecins. Il s'arrête, prend le temps de discuter, avant de s'adresser à la forêt de micro de caméra qui l'attendent. Je vous remercie, grâce à vous, de pouvoir saluer les Françaises et les Français. Et je tiens à vous dire que je suis particulièrement heureux, quelle que soit la qualité des soins dont j'ai bénéficié, particulièrement heureux de rentrer chez moi. Les médecins m'ont recommandé pendant une semaine d'être raisonnable. Je cite leurs propos, et donc je serai autant que possible raisonnable, car je suis quelqu'un de discipliné, donc je serai raisonnable, et les choses vont se dérouler, je me sens, je vous le dis tout de suite, en très bonne forme. Voilà simplement les quelques mots que je voulais vous dire. Pour ne rien vous cacher, c'est mon dernier mot, pour ne rien vous cacher, je commençais à avoir hâte de sortir. Ça, c'est un fait. Je commençais à trouver le temps long, surtout à l'heure du déjeuner, que je suis très content maintenant d'aller prendre. Je vous remercie. Circulez, pas de raison de s'inquiéter. Hélas, l'AVC marque un tournant dans la vie de Jacques Chirac, comme beaucoup de celles et ceux qui en souffrent. Et pour le président de la République, c'est le début du crépuscule. Rien ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que j'en ai les larmes? Que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Ce monde a le vertige. Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? je n'ai plus de chemise. C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver? Puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Je suis né dans cette caravane. Mais nous partons, allez, viens. Cette cavale, et nous partons, allez, viens. Affaires sensibles sur France Inter. Jacques Chirac a changé depuis son AVC. Il a perdu de sa vivacité, physique comme intellectuelle. Il peine à dissimuler le mélange de tristesse et d'apathie qui l'assaille. À un an et demi de la fin de son quinquennat, il ressemble au portrait que Lionel Jospin dressait de lui en 2002, celui d'un président usé, vieilli, fatigué. La période est d'autant plus douloureuse pour lui qu'à l'automne 2005, la politique intérieure se rappelle violemment à lui. Le 27 octobre, deux adolescents meurent électrocutés dans l'enceinte d'un transformateur EDF dans lequel ils étaient entrés pour échapper à la police. Le lendemain, Clichy-sous-Bois s'embrase. La semaine suivante, les émeutes font tache d'huile dans d'autres banlieues parisiennes avant de gagner l'ensemble du pays. La direction de la police nationale parle du nombre de chocs qui gagnent les régions. 274 communes touchées par ces incidents, comme ici, à Rennes. 1400 véhicules brûlés dans toute la France lors de cette 11e nuit d'émeute et d'intervention pour les pompiers. À Bobigny, en région parisienne, un poste de commandement coordonne les opérations. Les incendiaires ont cette fois frappé Gagny, une commune tranquille de Seine-Saint-Denis. Dans la nuit, les habitants ont dû quitter leurs appartements. Le feu dans le supermarché du rez-de-chaussée menaçait l'immeuble. Je ne sais pas s'il faut faire descendre l'armée ou quelque chose comme ça, mais il va falloir trouver une solution. Ce climat de peur était totalement inconnu à Gagny, l'une des villes de France qui a le moins de délinquance. La colère des banlieues françaises qui fait les gros titres dans le monde entier, à coups de profondeur de champ des caméras qui donnent l'impression que le pays est à feu et à sang, explose dans un contexte particulier. Celui des provocations à répétition du très zélé ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. La veille de la mort des deux jeunes Clichois, il n'a pas hésité à lancer à une habitante d'Argenteuil devant les caméras de télé « Vous en avez assez de ces bandes de racailles, eh bien on va vous en débarrasser ». La déclaration, largement diffusée dans les médias, est jugée blessante par les habitants de ces quartiers, déjà vexés par la promesse faite par ce même Sarkozy de nettoyer les cités au Karcher. Ces outrances sont le don d'ulcérer Jacques Chirac. Il considère son ministre comme un incendiaire. Il est d'ailleurs globalement agacé par ce prétendant jeune et plein d'énergie qui clame depuis maintenant 2 ans qu'il veut prendre sa place et qui le renvoie à ses faiblesses. Le 8 novembre 2005, le Premier ministre déclare l'état d'urgence après 12 nuits d'émeute. Et il faut attendre le 14 novembre pour que le chef de l'État réapparaisse à l'occasion d'une allocution télévisée. Totalement absent depuis le début de la crise, il a même été rebaptisé « l'homme invisible » par le New York Times. Autrement dit, les banlieues brûlent et le président regarde ailleurs. Et lorsque la jeunesse se mobilise, début 2006, contre le CPE, le contrat première embauche, il ne réagit pas et laisse son premier ministre s'enliser. Avec le CPE, un CDI réservé aux moins de 26 ans, Dominique de Villepin veut inciter les entreprises à embaucher massivement des jeunes, tout en leur permettant de les licencier pendant 2 ans sans avoir à se justifier. Et ça, ça ne passe pas. Alors de nouveau la température monte. Des centaines de milliers de jeunes manifestent, universités et lycées se mettent en grève. Au plus fort du mouvement, 1 à 3 millions de personnes défilent pour demander le retrait de la réforme. Paris submergé par une marée humaine. Cet après-midi dans la capitale, les manifestants étaient 2 fois plus nombreux que le 18 mars. Pour les jeunes comme pour les moins jeunes, l'objectif, lui, n'a pas varié. Retrait du CPE. La flexibilité, c'est important, la sécurité aussi. Et quand une réforme est mauvaise, il ne faut pas hésiter à le dire. C'est pas parce que c'est une réforme qu'elle est bonne. À ceux qui veulent précariser les jeunes réformes, résistance. Dans le bras de fer qui oppose le gouvernement à la rue, Nicolas Sarkozy soutient le gouvernement. En tout cas, officiellement. Car 2 ans plus tard, Bruno Julliard, l'ancien leader étudiant des manifestations, donnera une toute autre version. Au micro de la radio Le Move, il raconte avoir reçu un appel de soutien de Nicolas Sarkozy qui l'encourageait à ne pas lâcher et à continuer de manifester pour le retrait du CPE. Après 4 mois de blocage, Jacques Chirac invente un compromis abracadabrantesque. Parce que d'un côté, il promulgue le CPE, mais dans le même temps, il demande au gouvernement de modifier les points, précisément ceux qui ont fait débat. Ça s'appelle tuer un projet, tout en faisant croire qu'on le soutient. En avril 2006, Dominique de Villepin doit totalement renoncer au dispositif. Bis repetita de ce qui s'était passé avec la loi Devaquet en 86, erreur d'appréciation là aussi, et Jacques Chirac avait dû retirer le projet de loi de son ministre de l'Éducation. Désavoué, Dominique de Villepin perd le peu de crédit qui lui reste dans l'affaire Clearstream, un scandale politico-financier révélé en janvier 2006. Au cœur de l'entourloupe, de faux listings prétendument issus de la chambre de compensation financière de la banque luxembourgeoise Clearstream. Des documents qui accusent différentes personnalités, dont Nicolas Sarkozy, de détenir des comptes occultes à l'étranger. Or, son nom, comme d'autres, a été ajouté à des listings qui, eux, étaient authentiques. Dominique de Villepin est soupçonné d'avoir volontairement participé à cette manœuvre pour écarter son rival Sarkozy, qu'il accusera ensuite de dénonciation calomnieuse. Le nom du chef de l'État apparaît également dans l'affaire, sans que l'enquête puisse établir s'il a donné des instructions à son premier ministre ou non. Nicolas Sarkozy fait désormais cavalier seul dans la course à la présidentielle de 2007. Trouvera-t-il sur sa route lui aussi un vieux président usé ? Pas sûr que Jacques Chirac ait même espéré briguer un troisième mandat. Des réunions se tiennent bien autour de sa garde rapprochée, sa fille Claude et Frédéric Salabarou, le secrétaire général de l'Élysée, pour préparer le terrain à une éventuelle nouvelle candidature. Mais ni le monde politique, ni les observateurs n'y croient. Son âge, son état de santé, sa fin de mandat catastrophique, les sondages calamiteux, tout concourt à le pousser vers la sortie. Alors un à un, les ministres et les élus, parmi lesquels de fidèles chiraciens, rallient Nicolas Sarkozy. Pourtant, le président ne manque pas d'entretenir un faux suspense, parfois même avec humour. Ici, par exemple, quand il répond à la question très directe d'un journaliste à l'occasion des vœux à la presse le 11 janvier 2007. Monsieur le Président, serez-vous un nouveau candidat ? Ça, celle-là, elle vient de loin. Je n'y avais pas pensé. Ça mérite réflexion. Et donc, je vais réfléchir. Permettez-moi de vous le dire, la seule chose qui m'anime, c'est la passion de la France. Le moment venu, je ferai connaître ma décision aux Françaises et aux Français avec une seule exigence, croyez-le, l'intérêt national. Quelques semaines plus tard, en février, le chef d'État s'amuse encore à laisser planer le mystère autour de sa très improbable candidature. Au sommet France-Afrique de Cannes, alors qu'on lui demande s'il s'agit là de son dernier sommet, il répond « oui, pour cette année ». Mais le 11 mars 2007, fini de rire, Jacques Chirac fait ses adieux aux urnes. pour la première fois depuis 81, il ne sera pas candidat à la présidence. Mes chers compatriotes, au terme du mandat que vous m'avez confié, le moment sera venu pour moi de vous servir autrement. Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau mandat. S'agissant des échéances électorales, j'aurai l'occasion d'exprimer mes choix personnels. Vous l'imaginez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Pas un instant. Vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Ces mots d'amour en français, c'est Frédéric Salabarou qui en est l'auteur. Et il doit batailler pour que Jacques Chirac les prononce. Sa pudeur, l'idée qu'il se fait de sa fonction, l'en empêche d'abord. Mais il finit par se laisser convaincre. Et le lendemain, les journaux saluent sa prestation. Chirac réussit sa sortie, estime le Parisien. Chapeau, s'exclame François. Pour Sud-Ouest, le président a livré l'un des meilleurs discours de sa longue carrière. Mais d'autres sont moins tendres. Jacques Chirac avait d'autant moins de raisons de rater sa sortie qu'il était déjà sorti de l'esprit de ses concitoyens, écrit Vacharde, La République des Pyrénées. Le président doit encore s'acquitter d'une obligation, faire connaître son soutien au candidat de la droite. Le 21 mars suivant, dans un message lapidaire et sans chaleur, il annonce donner son vote et son soutien à Nicolas Sarkozy. Comme si les mots lui écorchaient la bouche. D'ailleurs, lors de l'enregistrement de sa déclaration, pourtant très courte, il bute, il doit s'y reprendre à deux fois. Le compte à rebours est ensuite lancé, il ne lui reste plus qu'à observer la bataille en simple spectateur. Le 6 mai 2007, le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy, il est à l'Élysée avec famille et collaborateurs pour entendre les premiers mots du futur chef de l'État. Chacun tend l'oreille, attendant le moment où il prononcera le nom de son prédécesseur, voire le remerciera du soutien qu'il lui a apporté. Mais ce moment ne viendra jamais, écrit Jacques Chirac dans ses mémoires. Pour ma part, je m'abstiens de manifester la moindre réaction. Mais au fond de moi, je suis touché, et je sais désormais à quoi m'en tenir, ajoute-t-il. Quand vient le jour de quitter le palais de l'Élysée, il y en a une qui n'en finit pas de faire ses cartons. C'est Bernadette Chirac. Habituée aux honneurs et aux fastes, elle vit très mal ce départ. Et elle le dit à qui veut l'entendre, l'Élysée va terriblement lui manquer. Après 40 ans à vivre dans la lumière et sous les ors de la République, la retraite angoisse le couple, qui a aussi une autre raison d'avoir peur, les affaires. Elles ont empoisonné le septennat, puis le quinquennat de Jacques Chirac. Depuis les années 90, son nom est régulièrement évoqué dans 8 dossiers judiciaires, impliquant notamment la mairie de Paris, parmi lesquels l'affaire des emplois fictifs, celle des faux chargés de mission, celle des HLM ou encore des frais de bouche. Jacques Chirac a toujours refusé de se rendre aux convocations des juges, brandissant son immunité présidentielle. Mais le 16 juin 2007, il redevient justiciable comme les autres. Commence alors un long et complexe parcours judiciaire qui aboutit à 2 mises en examen. Le 15 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour détournement de fonds publics, abus de confiance, prise illégale d'intérêt et délit d'ingérence. C'est la première fois qu'un ancien président de la République française est condamné par la justice. Mais il n'est pas présent au procès. L'ancien chef de l'État s'est mis en retrait depuis l'année précédente en raison de ses ennuis judiciaires, mais aussi de ses problèmes de santé. Problèmes qui ont désormais un nom barbare, la nosognosie, phénomène qui le laisse inconscient de sa propre diminution. À moins qu'il ne s'agisse de la maladie d'Alzheimer, comme l'affirme le journal du dimanche. L'information sera vigoureusement démentie par son épouse. En tout cas, ses apparitions se font de plus en plus rares. Mais l'une d'elles marque les esprits. Le 11 juin 2011, Jacques Chirac inaugure une exposition d'art ancien chinois à Saran, en Corrèze, avec son ancien opposant, François Hollande. Et il se fend d'une déclaration qui laisse pantois. Oui, je le trouve. Oui, certainement. Bon, si Juppé, là. Quoi ? Non, parce que j'aime bien Juppé. Vous allez vous faire entendre, ça ? Je peux dire que je voterai Hollande. François Hollande est gêné. Il ne faut pas prendre cela au sérieux, dit-il. Oui, mais c'est une plaisanterie. C'est pour énerver ses amis. Parce que c'était sur le mode du sourire. Ah, pour être énervé, ses amis le sont. Nicolas Sarkozy en tête, évidemment. Le lendemain, le clan Chirac fera tout pour faire passer cette sortie pour de l'humour corrézien. Alors, humour, provocation à l'égard de Sarkozy, désinhibition due à la maladie ou changement assumé de bord politique. On dit parfois que, sur le tard, on revient à ses premiers amours. Le chic, comme certains l'ont surnommé à droite, celui qui vendait l'humanité quand il était étudiant, était en tout cas très fier de son coup. Au bout du compte, et au bout de l'histoire, Jacques Chirac sera post-mortem le président préféré des Français. C'est déjà ça. Entre le brouillard et le beau temps, entre le jour et la nuit, entre les larmes au vent ou le rire déconfit, mon cœur balance. L'athlète et l'adolescent, entre le glaive et le vide, entre le diable et l'ange, la forme rebondit, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. De tous les noms que l'on crie, entre le jour et la nuit, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre série Quitter le pouvoir, aujourd'hui Jacques Chirac, notre invité Béatrice Guret, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice du livre Chirac, le secret du clan et du roi emmuré. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde. On vient de raconter l'histoire de Jacques Chirac, qui semble finalement, si on regarde ça avec un peu de recul, plus doué pour conquérir le pouvoir que pour l'exercer et le quitter. Est-ce que c'est le sentiment que vous donne son histoire ? C'est toujours ce qu'on a dit, en tout cas. C'est un homme qui paraissait sans arrêt en campagne. Peut-être a-t-on pensé cela à cause de son goût immodéré pour les foules. Le serrage de main, le contact physique avec les gens qui l'embrassaient, il soulevait les petits enfants dans ses bras. Alors, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très humain, et qui a toujours compté sur son corps. Et comme cela a été raconté dans des spécifiques, alors, Béatrice Guret, excusez-moi, la ligne téléphonique n'est pas bonne du tout, et on va pas infliger ça aux auditeurs, hein, c'est juste un problème technique, hein. On va essayer de le résoudre, continuez là pour voir ce que ça donne exactement. Oui, nous parlions de la chaleur et de l'humanité. Non, ça ne va pas. Bon. Non, c'est mieux. Vas-y, allez-y. C'est mieux. Oui. Bon. Cette chaleur et cette humanité de Jacques Chirac, elle reposait en grande partie sur sa confiance en lui-même, sa confiance en son corps, en sa grande carcasse. Et le jour où arrive cet accident vasculaire cérébral, tout à coup, il se sent terriblement mortel. Et la fin du pouvoir commence là. Mmh. Elle commence le jour de cet AVC en 2005. Parce qu'on pourrait imaginer, alors encore une fois, on est dans l'Uchronie, on ne va pas y rester trop longtemps, mais on pourrait imaginer que s'il avait été en forme, il aurait été du genre à avoir des activités comme d'autres anciens présidents, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande. Oui, mais Chirac n'a jamais été attiré par autre chose que le pouvoir. C'est vrai que c'est un homme qui ne lisait pas beaucoup, qui ne faisait pas de sport et qui a consacré l'essentiel de sa vie à l'exercice du pouvoir. Il n'y a aucune carrière sous la Ve République qui ressemble à la sienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de traversée du désert, il n'y a pas de vide. Et tout à coup, le gouffre s'ouvre. Il dit lui-même d'ailleurs que on ne peut pas vraiment se préparer à ça. Il est perdu. Il est beaucoup moins en forme physiquement parce qu'il a, comme on le disait, il a toujours beaucoup compté sur son physique. Et tout à coup, son physique l'a lâché. Donc, on fait pour lui, alors François Pinault organise des bains de foule à Saint-Tropez, comme du temps du pouvoir. On l'envoie dans une institution où on va le remettre en forme, où on le fait une diète, etc. Mais rien ne remplace cette drogue dure qu'a été le pouvoir pour Chirac pendant 40 ans de façon ininterrompue. Alors, il y a un trait de caractère qu'on a découvert peut-être un peu plus tard. Jacques Chirac, contrairement à François Mitterrand, par exemple, semblait plus transparent dans sa pensée, moins secret. Or, on apprend et on a su au fil des ans que c'était aussi Jacques Chirac un homme secret et pudique. Bah, écoutez, alors moi, j'ai jamais été adhérente de cette thèse. D'accord. Je pense que Chirac était largement aussi secret que Mitterrand. S'il y a un sphinx, pour moi, c'est bien davantage Chirac que Mitterrand. Et il y a chez lui aussi une pudeur indépassable qui fait que on n'exprime jamais ses sentiments. On ne montre rien. On fait semblant même, ça va même plus loin que le « never explain, never complain » de la reine d'Angleterre. C'est non seulement on ne se plaint pas, mais on fait semblant d'aller bien. Et Chirac a toujours été, je pense, guidé par ce principe-là. Lorsque sa fille aînée, Laurence, fait des tentatives de suicide, que tout le monde pense qu'elle est décédée, il ne veut pas faire de photos pour montrer qu'elle est encore là. Il ne veut rien dire. Il s'enferme dans sa douleur. Et il s'enferme sur son clan, en fait. Femme, sa fille. Et sur le terrain politique aussi, parce que ce que vous me dites me fait penser à la période fin 1994, où il était dans les choux, au niveau des sondages, il y avait de quoi désespérer. Et à chaque fois, effectivement, il faisait bonne figure, il tenait bon, et on se disait, mais enfin, il a quand même le moral, quoi, parce que c'est très très mal parti, c'est Balladur qui sera élu, enfin tout le monde pensait ça, facile de dire après qu'on pensait pas, mais c'était ça. Et c'est une manifestation de ce caractère-là aussi de Jacques Chirac. C'est à la fois une manifestation de cet optimisme à tout craint qui lui donne beaucoup de force, et aussi, alors il est convaincu qu'il va gagner. Malgré les éléments objectifs qui, à l'époque, disent tous qu'il ne peut pas gagner. Bah, écoutez, lui, il y croit. Il croit à son lien avec le peuple français. Il a analysé. Je pense le fait que son adversaire, son ex-ami Balladur, en manque cruellement, et dans son entourage, on lui dit que évidemment il va y arriver. Et c'est un homme qui n'a jamais eu peur de la guerre, il n'a jamais eu peur des obstacles. Oui. Au contraire, il aime se battre, il aime aller au combat. c'est un ancien soldat, Chirac, il ne faut jamais oublier ça. Il ne serait jamais venu à l'idée, et il a fait l'école des officiers d'Alsace, de passer au travers des services militaires. Il est parti au service en Algérie. Il a fait la guerre d'Algérie, oui, c'est ça, absolument. Bah, oui. C'est une autre génération. Mmh. Bien, Béatrice Guret, on se retrouve dans 3 minutes après avoir été écoutée, pardon, Yael Naïm et Alban de la Simone, Tina Silly. Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais maintes fois. Si encore je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi. De refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison diffèrent. Mon amour, mon poison violent. Tina Silly, Tina Silly, Tina Silly, Tina Silly. Pour cela, j'étais bien trop fière. La mort frappait finement. Si nous avons croisé le fer, c'est dans le coton seulement. Mais mon amour, tu le vois rouge se faire, que je voulais blanc. Tina Silly, Tina Silly, Tina Silly, Petit Chat. Béatrice Guret, pour continuer de parler de Jacques Chirac, cette porte d'entrée, si vous voulez bien, quel est le sens du titre de votre livre, Le Roi au Muret ? Le Roi au Muret, alors c'est la dernière partie de la vie de Jacques Chirac. Nous y sommes. Qui est hébergé par son ami François Pinault dans son hôtel particulier parisien. Il va y passer les 4 dernières années de sa vie. Il n'y a plus du tout d'illusion, de pouvoir. Maintenant, c'est un vieil homme qui est face à la maladie, face à la mort. Vous avez parlé d'anosognosie, mais en fait, ça, c'est le fait de ne pas s'apercevoir qu'on est malade. Mais il a bel et bien une maladie apparentée à Alzheimer. Il a perdu la mémoire. Un des rares événements extrêmement tristes qui lui arrive et qui, au fond, va achever Jacques Chirac, c'est la disparition de sa fille aînée, Laurence, qui meurt à 56 ans. Elle s'étouffe, en fait. Elle s'étouffe, elle fait une crise cardiaque et après un ou deux jours d'hôpital, elle meurt. Et ça, c'est vraiment la plus grande douleur qui puisse lui arriver. Et même dans son brouillard, il se rend compte de cette disparition. Il en est quasiment fou de douleur et on peut dire que c'est un homme qui se laisse en fait glisser vers sa fin. Ouais. Qui vient le voir dans les derniers mois? Alain Juppé, je crois. Mais il a Jean-Louis Debré aussi, me semble-t-il. Enfin, il a des visites. Comment ça se passe de ses anciens soutiens, de ses compagnons de route? Il a encore des visites, mais très peu, parce que Claude Chirac, et, de ce point de vue-là, on la comprend, ne souhaite pas que l'on voie son père dans cet état où la plupart de ses facultés intellectuelles l'ont quitté. Évidemment, on ne peut recevoir de visites que de gens qui ne raconteront rien. Les conversations deviennent quasiment impossibles, il faut la faire tout seul. Il répond par monosyllabes, il ne répond pas. Donc, évidemment, cette déchéance physique et intellectuelle, il faut qu'elle reste enfermée dans ce petit palais. Ouais. Et on peut le comprendre. Et j'imagine d'ailleurs que ces visiteurs, enfin, avant qu'ils ne viennent plus, eux aussi ont vécu un moment douloureux de voir ce qu'il a été, président de la République, leader d'un parti, bouillonnant, intellectuellement performant, évidemment, comme tous les présidents. Ça n'a pas dû être facile pour eux non plus. Bien sûr, c'est toujours une douleur pour ceux qui ont des proches, ou en tout cas des amis qui deviennent absents à eux-mêmes, qui ont perdu toute mémoire et en fait tout lien avec la réalité et le monde extérieur. Donc évidemment, c'est une réalité qui est très difficile à vivre, surtout, comme vous le disiez, lorsqu'on a été cet homme flamboyant qui a eu une carrière absolument sans équivalent sous la cinquième. Alors, on parlait du bilan tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai oublié dans les points positifs de parler du musée du Quai Branly des Arts Premiers. Ça fait partie des choses que laissent les présidents, qui sont intéressantes. Alors, on dit beaucoup que le bilan de Jacques Chirac est faible. Quel est votre regard sur cette sanction? Oh, je trouve que c'est un excès d'indignité. Non, je pense que Jacques Chirac a eu un lien avec le peuple français, avec la République, avec la laïcité, avec toutes les valeurs qui fondent notre démocratie d'aujourd'hui, même si on peut lui reprocher un tas de choses. Hein, je parle naturellement, les affaires, vous l'avez évoqué. Ça, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Mais je trouve que sur les grandes valeurs de la République, c'est quelqu'un qui a été là. Et il a fait des réformes, écoutez, quand même. La fin des essais nucléaires, la création d'une armée de métier, ça, ce sont des choses sur lesquelles on vit encore aujourd'hui. Par ailleurs, sur le plan... Alors, évidemment, il n'a pas fait de réformes de société aussi importantes que celles de Giscard. Mais il a été un des rares à droite à être très favorable à l'avortement, à l'abolition de la peine de mort, qu'il a d'ailleurs fait inscrire dans le marbre, si j'ose dire. Donc, bien souvent, on considère comme négligeable tout ça, mais pas pour moi. Bon. Ce sont des choses importantes. Bien sûr. Dernière chose, il nous reste 45 secondes. C'est le dernier président, finalement, qui ne se mêle pas de tout. C'est-à-dire que depuis le début de la Ve République, on a un président qui préside, un gouvernement qui gouverne. Ça s'est arrêté avec Nicolas Sarkozy. Était-il le dernier à partager le pouvoir exécutif? Pas à part égale, évidemment, mais de façon à peu près équitable. Je dirais que c'est surtout le dernier président de la Ve République. Parce qu'en fait, on est passé tout à fait dans autre chose après Jacques Chirac. Bien sûr. De par l'âge des présidents, alors évidemment Giscard était une exception, mais on arrivait à cette marche bien après des vicissitudes, des échecs, des essais répétés. Oui. Et le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral ont fait que notre vie politique a entièrement changé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé de vous couper comme ça parce que c'est vraiment là, on a dépassé l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Je sais que si vous aviez pu venir en studio, vous seriez venu volontiers. Vous avez un empêchement passager. C'est le Covid. Bon, bah voilà. Écoutez, merci infiniment tout de même, Béatrice. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Quitter le pouvoir, Jacques Chirac, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.